Jacques, c'est la vie, Jacques, c'est l'amour chant. Bébé, oh bébé, Jacques, c'est la vie, Jacques, c'est l'amour danse. Bébé, oh, le long des routes, au fil de l'eau. Et danser l'été, oh, le long des routes, oh, le long de l'eau. Alors je dis chante encore, bébé, chante, c'est l'été, chante. Chante encore avec moi, danse, dans tout l'été, danse, c'est l'été, danse. Chaque jour c'est la vie, chaque jour un amour chante. Bébé, oh bébé, chaque jour c'est la vie, chaque jour un amour danse. Et c'est quand qu'on fait, c'est oh, et c'est quand qu'on fait, c'est bébé. C'est où qu'on voyage, c'est oh, oh, oh. Tous les jours, tous les jours, tout le temps court. C'est l'été, danse, danse, tout l'été, danse. Danse dans ton van, on the road. Et danse sur la plage sage, sur les plages de sable rose. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Faut s'arrêter, se reposer, acheter des cigarettes et à manger, à boire, et on fera une bonne fête ce soir. On the road, just my car, I see my life, I drive alright. Hey, et c'est quand qu'on fait, c'est oh, et c'est quand qu'on fait, c'est bébé, c'est quand qu'on voyage, c'est oh. Jamais de temps. Aïe aïe aïe aïe. Et pas faire comme ci, pas faire comme ça. Aïe aïe la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alors chante encore bébé, danse, oh c'est l'été, danse. Ou de jour ou de nuit, et par à droite ou essaye à gauche. C'est l'amour, chaque jour une fête. C'est des joies et des peines, chaque jour c'est la vie. Chaque jour un amour, chaque jour une fête. C'est des joies et des peines, chaque jour c'est la vie. Chaque jour un amour, chaque jour une fête. C'est des joies et des peines.